Elles bossent depuis la fin leurs études de commerce qu'elles n'ont même pas su terminer. Elles travaillent pour McDo, mais elles rêvent de montagne avec leur sac à dos et les clébards. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Je les préfère largement lorsqu'elles sucent ma bite dans leur grand canapé familial. À part sucer des bites et construire des Big Mac, elles ne sont bonnes à rien, ces salopes. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Elles sont assez souvent anticapitalistes, mais elles préfèrent bien sûr le pognon. Et avec ce pognon, elles achètent des vêtements pour oublier leur triste existence. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Elles engraissent le monde pour 1000 euros par mois, mais elles se battent bien sûr pour que ça n'existe pas. Leur existence inutile s'arrêtera sûrement le jour où elles n'auront plus d'argent. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. J'aurai toujours davantage d'estime et de respect pour les braves verémistes qui s'assument, pour ces suceuses de bites combattant le RMisme et fiers de tapiner pour l'Amérique. Les connasses qui bossent pour McDonald's, les connasses qui bossent pour McDonald's, les connasses qui bossent pour McDonald's, les connasses qui bossent pour McDonald's.